Les disparus de Bavourlan. Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois. Épisode 11. Tu finiras dans l'eau. Pascal, merveilleux séjour à Bali, nous découvrons la plongée. Quel bonheur de pouvoir respirer sous l'eau. Amitié, Jeanne et Abel. Ah, vous m'avez manqué, les amis. C'est Bérénice et Titouan. Monsieur Rose. Il n'est pas là. C'est ouvert. On va pas rentrer quand même. Mais si, il pleut trop de façon. On l'attend à l'intérieur, il nous en voudra pas. Tu te rappelles où il était le carnet du père Fissou qu'il nous a montré? Dans le tiroir, là. Non, mais attends, ça se fait pas, t'es dingue. Ouais, il est là. Attends, il y en a un autre. Fais voir. Carnet de bord, André Rose, août 2019. Ah ouais, ça dit quoi? août 2019. En français, il existe des mots dont le son est inadapté à leur signification. Tenez, gigabit. Il est particulier ce curé quand même. 19 août. Pourquoi c'est la colombe et pas le corbeau qui a porté le rameau d'Olivia Noé? Ça parle de corbeau? Ces oiseaux-là, ça n'apporte que des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il raconte? 23 août 2019. Un truc sur Houdini. Et aujourd'hui, il a écrit? 25 août 2019. Aujourd'hui est mon dernier jour à Bavourlan. Quoi? J'ai rencontré le père Fissou lorsque j'étais enfant, à l'orphelinat dans lequel j'ai grandi. Il s'est pris d'affection pour moi. Je n'ai su pourquoi que par la lettre qu'il m'a envoyée l'année dernière, deux jours avant sa mort. Il gardait un secret qu'il ne voulait pas emporter avec lui. Jeanne ? Toc, toc, toc! Jeanne? Abel? Je suis là! J'ai faim! Vous êtes où? Bonsoir, monsieur Ribaudier. Ah, mon père! Je cherche les varaudes. Vous les auriez pas vus par hasard? Attendons-les ensemble. Mes parents ne m'ont pas abandonné, comme on me l'a toujours dit. Arrivé à Bavourlan, j'ai pris une autre identité. Vous savez ce que ça veut dire varaude en hébreu, monsieur Ribaudier? Ah non? Varaude, c'est une couleur. Ça veut dire rose. Comme votre nom de famille, André Rose? Ça, c'est drôle, mon père. Mes parents, Jane et Abel Varod, ont été assassinés par les habitants de Vourlon le 24 novembre 1974. Ils ont été les boucs émissaires d'un village meurtrier. Comment vous avez fait ? Vous les avez portés jusque-là ? Pardon, mon père. Peut-être qu'ils étaient encore ici. De quoi ? Ce sont Pascal Ribaudier, dit le gros, et Julien Ribaudier, dit le grand, qui les ont conduits à la mort. Ils les ont enchaînés dans leur maison, alors que le lac de Clairlieu se remplissait. Vous avez dû les assommer, ou les endormir. Et ils se sont réveillés attachés à ces chaînes. Mon père, de qui vous parlez ? De mes parents. Mais tous les habitants de Vourlon sont des meurtriers, eux aussi. La nuit du déménagement, tous savaient que mes parents mouraient. Je sais tout, monsieur Ribaudier. Avant même d'arriver au Vourlon, je savais tout. Il était là. Là, juste ici, dans son petit lit. Il comprenait tellement rien qu'il pleurait même pas. Il nous regardait avec de grands yeux, le grand et moi. Petit bonhomme. Quand on est entré chez eux, il était là, avec sa mère, avec Jeanne. Et mon père, il n'était pas là ? Ah ben, il faisait des allers-retours là, au Vourlon. Jeanne, elle a compris tout de suite qu'on venait lui faire du mal. Elle n'a pas dit un mot, mais ça se voyait dans ses yeux. On l'a assommé avec une pelle, ici, devant la porte. Elle s'est cognée au crâne en tombant là. Puis le grand l'a ligoté. Et on lui a mis du tissu dans la bouche. Et mon père ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à mon père ? Abel est arrivé après. Le grand, il l'attendait derrière la porte. Il l'a frappé. Il est tombé comme une mouche. On lui a fait comme à Jeanne. Puis on a mis les chaînes au mur. Et moi ? Qu'est-ce que vous avez fait de moi ? Pourquoi je suis pas mort ? Quand on est ressorti avec le grand, il n'y avait plus personne dans Vourlon. Abel et Jeanne, ils étaient réveillés. Ils se débattaient, ils hurlaient. Le petit aussi. Et ils me regardaient dans les yeux. Et on est parti pour nous débarrasser de la voiture. Le grand a pris la nôtre. Et moi, j'ai pris la leur. Mais ses yeux... Ses yeux, je ne parvenais pas à les enlever de ma tête. Je voyais que ça. Et je me suis dit, on ne peut pas le tuer. C'est pas possible, c'est un tout petit bonhomme. Il n'a rien fait de mal. Alors j'ai fait demi-tour. Vous m'avez pris. J'ai pris le petit. Jeanne et Abel, ils étaient comme fous. Mais je le prends pour le sauver, je leur disais. Je le prends pour le sauver. Et j'ai conduit loin, très loin dans la nuit, tout droit, vers l'ouest, avec le grand qui me suivait derrière. Et quand on est arrivé loin, à Tours, j'ai déposé le petit devant la cathédrale, bien en évidence, dans une couverture pour pas qu'il ait froid. Puis on a poussé la voiture dans la Loire. Et c'était fini. Comment le père Fissou a su que vous m'aviez épargné ? C'est que je suis un monstre. Je devais lui dire que j'avais sauvé le petit, que je l'avais laissé à Tours, pour que le Seigneur soit doux avec moi. Il m'a retrouvé. Il a trouvé l'orphelinat. Il s'est occupé de moi. Mais eux, mes parents, ils ont crié. Ils ont crié toute la nuit. Ils avaient des maillons, mais ils ont réussi à les enlever. Et personne n'a rien fait. Personne ne voulait. Ils avaient fait trop de mal. C'était pas elle. C'était pas elle, le corbeau. Vous avez tué des innocents, espèce d'imbécile. Comment ? La vérité, c'est que vous, les autres, vous avez tué mes parents sans aucune raison. Et même sans aucune preuve de la culpabilité de ma mère. C'était Christine Châtel. Toutes les lettres, c'était elle. Non. Non, c'est pas possible. Approchez, monsieur Ribaudier. Venez ici. Regardez. J'ai remis des chaînes toutes neuves. C'est moi qui les avais mises. C'était moi le maire. Personne ne voulait s'en charger, alors c'est le gros qui l'a fait. Vous allez y attacher votre ceinture. Oui, mon père. Voilà, vous êtes bien attaché. Il y a 30 cm d'eau. Et la pluie tombe plus fort. D'ici quelques heures, vous serez sous l'eau. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Vous ne trouvez pas ça juste, monsieur Ribaudier? C'est juste. Jeanne, Abel, André. Si un homme blesse son prochain, comme il a fait, on lui fera. Fracture pour fracture. Œil pour œil. Dent pour dent. Tel le dommage que l'on inflige à un homme. Tel celui que l'on subit. Adieu, monsieur Ribaudier. Ne reposez pas en paix. C'est le père Fissou qui a demandé à ce que je le remplace à sa mort, à Auvourlan. Il voulait que je décide moi-même de pardonner ou de punir. La vengeance n'est ni noble, ni juste, mais elle est parfois indispensable. Le père Fissou m'a légué l'un de ses carnets qui date de l'année du déménagement. Il y a consigné ses notes quotidiennes, ainsi que l'intégralité de ce que les habitants de Vourlan lui ont confié dans le confessionnal. Putain de merde! Le carnet, montre le carnet! Il a marqué des pages. Là, confession Hélène Ribaudier, 22 septembre 1974. Elle ne sait pas comment dire à son fils cadet qu'il a été adopté. C'est ce qu'a reçu le grand avant qu'il se suicide. Là, regarde, ta grand-mère. Confession Rita Majoubi, 19 octobre. Ahmed a des problèmes d'alcool, 2 bouteilles de rouge vendredi, 1 bouteille de prune samedi. Ça doit être ce que ton grand-père a reçu. Dis-toi. C'est le père de mon père et moi je le connais pas. Je sais pas qui il est. J'ai l'impression que même ma grand-mère que j'ai pas connue, je la connais plus que lui. Tu pouvais pas savoir. Si, mais je voulais pas. Mon pauvre Titon. Faut continuer. Là, confession Jacques Rovel, 22 novembre. L'enfant dont Rita Majoubi a avorté n'était pas d'Abel Varode, mais de Jacques Rovel. C'est ce que ton grand-père vient de dire. Christine Châtel, 3 décembre. Je la soupçonnais, mais elle me l'a confessé. C'était elle qui envoyait les lettres. Bérénice, il savait tout. C'est André Rose. C'est André Rose, le corbeau. Personne ne me reverra à Auvourlan. Comme personne ne me reverra jamais nulle part. D'autres ont disparu avant moi. Je tenterai de suivre leur exemple. Et si je n'y parviens pas, qu'importe. Ma vengeance est accomplie. L'Éternel parla à Moïse et dit : si un homme blesse son prochain, comme il a fait, on lui fera fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Je l'ai mûrement préparé. Car rien n'est pire que de perdre une revanche contre des ennemis mortels. Je suis un homme que l'on a privé de son père et de sa mère. Je suis un enfant qui a enterré seul les squelettes décharnés de ses parents. Et je suis un curé dont la morale n'a pas pesé lourd face à la tentation brûlante des représailles. Mais une vengeance est incomplète si elle n'est pas révélée. Alors je l'écris ici. J'ai puni les coupables. J'ai tué sans pitié les assassins de mes parents et j'ai détruit, en révélant leurs secrets, les complices silencieux de cette horreur inutile. Je m'appelle André Varode Nous sommes le 25 août 2019 et j'ai gagné.